Chapitre 3e. Les duels étaient alors si fréquents qu'ils étaient considérés plutôt comme un amusement que comme une affaire sérieuse par les lions de cette époque. Ils exposaient leur vie sur le terrain comme leur fortune sur une carte, avec la même indifférence et la même frivolité. Cependant, les circonstances dramatiques qui avaient précédé le défi du comte de Shrewsbury, le rang élevé des deux adversaires, enfin la faveur particulière dont le duc de Buckingham jouissait auprès du roi, avaient donné à cette rencontre plus de retentissement et d'importance que de semblables luttes n'en acquéraient ordinairement, et tous les seigneurs de la cour se trouvaient rassemblés dans les différentes avenues de Hyde Park, tandis que Buckingham et Shrewsbury se rencontraient le lendemain du bal derrière les ruines d'un vieux prieuré. Un page, d'une figure charmante, mais profondément altérée par l'émotion, après avoir aidé le duc à descendre de cheval, se plaça, les rênes à la main, à quelque distance du lieu du combat. Tandis que les témoins ont réglé les dispositions, Buckingham ôta son manteau et ne manqua pas de faire remarquer à Shrewsbury la finesse d'une chemise ourlée en point de Bruxelles et la coupe d'un haut de chausse confectionnée à Paris et qui, à l'entendre, prouvait suffisamment la supériorité des tailleurs français sur leurs confrères d'outre-Manche. Les deux gentilshommes étaient également intrépides. Nés dans un siècle où l'épée était de toutes les puissances la moins contestée, ils avaient été initiés de bonne heure au secret de l'escrime, aux talents les plus accomplis du duelliste. Mais ils ne possédaient pas le même sang-froid. Blessé dans son repos, dans son honneur, dans ses plus chères affections, Shrewsbury se battit avec la rage aveugle d'un homme qui ne tient plus à l'existence que par sa haine. Buckingham, froid, calme, maître de toutes ses ressources, de toute sa science, sut tirer parti des emportements de son ennemi. Son épée atteignit la poitrine du comte, mise à découvert par une passe imprudente. Quelques mouvements convulsifs, accompagnés par ces mots entrecoupés, « Anna, je meurs, reprends-toi » furent les derniers signes de vie qu'il donna. Ses témoins s'empressèrent vainement autour de lui, l'âme du comte de Shrewsbury était déjà devant Dieu. Le favori de Charles II ne montra ni regret ni douleur en présence de ce déchirant tableau. Il essuya son arme avec une tranquillité parfaite et se dirigea vers le page. À la finesse de ses traits, à sa tournure élégante, à sa figure douce, craintive et pâle, à ses cheveux noirs et bouclés qui retombaient sur un coup de cygne, à tout cet ensemble de timidité, de grâce, de délicatesse, il était aisé de voir qu'une femme se cachait sous ce déguisement. C'était en effet la comtesse de Shrewsbury que son amour, ses craintes, ses remords, les mille sentiments confus qui l'agitaient, avaient entraîné sur le lieu du combat, protégée par un habit de page qui dérobait son identité à tous les yeux. Ce fait est attesté par l'histoire. En voyant tomber son mari, la comtesse s'était précipitée à genoux. « Oh mon Dieu » s'écria-t-elle, « je n'étais qu'adultère. Me voilà devenu homicide !» Puis, s'avançant vers le duc de Buckingham, « Vous l'avez tué, milord » dit-elle en fondant en larmes. « C'était le sort réservé à l'un de nous. Auriez-vous mieux aimé que ce fût moi ?»« Oh non, Dieu le sait, mais le repentir !»« Le repentir !» répéta Buckingham avec un sourire. Il sera temps d'y penser quand nos cheveux auront blanchi. À ces mots, la comtesse releva lentement la tête et regardant en face cet homme qui l'avait précipité froidement, sans hésitation, sans scrupule, dans le gouffre où devait rester englouti pour jamais sa pureté, sa réputation et son bonheur. « Mes cheveux blanchiront dans un cloître, monsieur le duc, » dit-elle d'un ton qui trahissait une résolution inébranlable. « Dès ce jour, je n'existe plus pour le monde. » En ce moment où alors parut derrière les ruines du prieuré, occupé depuis 2 jours de la composition du travail que lui avait demandé Buckingham, il n'avait pas assisté au bal de Saint-James et ignorait les tristes résultats de son indiscrétion. « Milord, » dit-il en s'avançant, « j'ai terminé ma satire. » Le favori de Charles II prit la main du vieux poète, puis lui montrant le cadavre de Shrewsbury. « Et moi j'ai fini mon drame. »« Le mot est joli, » murmura le vieillard terrifié. « Mais il me coûte 1000 livres sterling. » C'était « La satire et le drame » par Bénédicte Gallet.